بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم ندخل في الدرس السادس، سيزيام درس، et on rentre dans un nouveau فصل qui est الإيمان بالله، la foi en Allah. Qu'est-ce que englobe cette foi en Allah عز وجل؟ Ça c'est un sujet que nous avons beaucoup répété, sur lequel nous avons beaucoup insisté. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus, nous allons lire les questions avec les réponses. Alhamdoulilah, c'est une chose qui, biznillah, est déjà comprise chez la plupart de ceux qui suivent ces durus avec assiduité. Inch'Allah. قال السؤال السادس وعشرين ما هو الإيمان؟ Qu'est-ce que la foi؟ Qu'est-ce que la foi؟ أولاً الإيمان لغة linguistiquement parlant c'est التصديق والإقرار. C'est le fait de croire et d'accepter. Ça c'est dans le sens de, dans la langue arabe. Ou dans le shara. اصطلاحا de la terminologie de la religion c'est قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. C'est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes des membres, et elle monte avec l'obéissance et elle descend avec les obéissances. Et des fois on peut trouver d'autres formules mais qui reviennent toutes à celle-ci. Naam. C'est quoi la preuve? قال تعالى وَاللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et c'est à Allah que vous passez votre confiance si jamais vous êtes croyant. Al-Ma'ida verset 23. ثم قال حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدعون وسبعون أو بدعون وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنى إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que la foi est de 70 de branches. La meilleure c'est la parole, du fait de prononcer la إله إلا الله. Donc là c'est la parole. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter les obstacles du lieu de passage. Donc ça, c'est les actes des membres. Et il a dit, et la pudeur est une branche de la foi. Ça, c'est, la pudeur, ça rentre dans les actes du cœur. Et cette pudeur est une chose qui est liée intérieurement et qui n'est pas extérieurement. Quelqu'un de pudique, c'est un sentiment qu'il a en lui qui se retransmet à travers ses actes. Ça prouve que la foi, bien évidemment, est dans le cœur. Cependant, elle s'extériorise à travers les actes. Donc les actes en font partie pleinement. وحديث أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, le hadith متفق عليه. Quel est, il fait interroger, quel est le meilleur des actes. Il dit une foi en Allah et en son messager en premier lieu. Il dit ensuite, quel est-il? Il a dit après, le jihad, sur le sentier d'Allah. Il dit ensuite, lequel? Il dit un hajj mabrour, c'est-à-dire un hajj bien accompli, sans péché. Celui avec lequel on revient, comme le jour où nous sommes nés, sans péché. Tout cela, ce sont des actes. ثم قال, كم أركان الإيمان, combien sont les piliers de la foi? Et cela, ils ont été cités dans le hadith de Jibril, d'accord, que nous prenons fréquemment. Donc là, il les cite encore, il dit Sitta, ce sont six, ces piliers. C'est la foi en Allah et tout ce que cela englobe, la foi en ses anges, tout ce que cela englobe, la foi en ses livres, en ses messagers, tous ses messagers, et le jour dernier, ainsi que le destin qui soit beau ou mauvais. Et la partie du hadith qui cite cela, c'est lorsque Jibril interroge Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le dit Mal iman. أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin qui sont bons ou mauvais. Naam. Toujours dans la question de l'Iman, il dit في سؤال الثامن وعشرين هل الإيمان يزيد أو ينقص. Est-ce que la foi augmente et diminue? Contrairement à certaines sectes, on dit comme par exemple les Murji'a qui disent quoi que tu fasses comme acte, ta foi reste la même. Et le contraire, les Khawarij qui eux disent que dès que tu désobéis par les grands péchés, ta foi disparaît. D'accord? Donc nous on dit que la foi, elle monte avec les obéissances et elle descend avec les obéissances. Et elle peut descendre au point de disparaître totalement. En délaissant tous les actes ou en commettant, délaissant certains actes, par exemple la salat, à la qawla sahih, et en commettant certains actes qui, eux, l'annulent. Comme le shirk et le kufr. Donc il dit Naam, Yazid bitoa, ou Yadkus bil marsiya. C'est la réponse, qu'elle augmente et diminue. Les adilés sont multiples. Parmi eux, il cite la parole d'Allah dans le sens où il dit, le fait que la foi augmente, Allazina izukirullah, wajilat kulubuhum, wazituliat alihim ayatuhu, zedathum imana, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux, lorsque les versets d'Allah leur sont cités, ou plutôt lorsque Allah leur est évoqué, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont récités, ils leur ajoutent de la foi et qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur. Al-Anfal, le butin, verset 2. Et également, c'est surat al-Tawbah, le repentir, verset 124, qu'Allah Ta'ala, « وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلْ أَيُّكُمْ زَدَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَدَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. » Et lorsqu'un verset leur est descendu, parmi eux, certains qui disent, « À qui d'entre vous ce verset a-t-il ajouté de la foi ?» Quant à ceux qui ont cru, ce verset leur a ajouté de la foi. Et ils se font la bonne, ils s'en réjouissent, ils en font la bonne nouvelle. Donc le verset, il est clair. D'accord? Que ceux qui ont cru, leur foi augmente par la descente de ce verset. Et parmi les preuves qu'elle diminue, déjà toutes les preuves qu'elle augmente, leur contraire indique qu'elle diminue. Et parmi elles, parmi ces preuves-là également, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu bi yadihi, fa'in lam yastati' fa bi lisani, fa'in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika ad'afu al-iman. Que celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut, alors par son cœur, et cela est le niveau le plus bas de la foi. Ce qui prouve que la foi, elle a un niveau le plus bas, minimum. Elle a un seuil. Alors, au muslim. Et également le hadith de Hanzara, al-Usayyidi, qui avait rencontré Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et qui lui a dit qu'il se sentait comme étant un hypocrite. Et Abu Bakr lui dit pourquoi? Il dit parce que lorsque nous sommes avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre foi, il nous rappelle l'au-delà, notre foi est forte. Et lorsque nous rentrons chez nous, avec nos familles, la dunya et tout, on oublie tout cela. Donc la foi, elle descend. Ada wa shahid. Qui ressent cela. Que sa foi, elle descend. Et selon comment? En s'éloignant, c'est même pas une désobéissance. C'est en s'éloignant du rappel d'Allah Azzawajal. Des gens peuvent être, ne pas faire de péché, le fait qu'ils soient loin du rappel, ils tombent dans la rofla, dans l'intention, les gens de façon générale, ce qui fait que leur foi diminue. Alors que dire de celui qui est dans la rofla et en plus commet des péchés? Car la rofla est une cause qui mène à commettre des péchés. Donc, à quel niveau on peut être? D'accord? Et l'évocation d'Allah Azzawajal, c'est une obéissance. Donc ce noble sahabi se plaignait de sentir sa foi descendre lorsqu'il l'oubliait ou lorsqu'il s'éloignait du rappel. Donc ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Abu Bakr a dit, moi aussi je ressens cela par Allah. Allah, il a juré par Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que si jamais ils étaient avec lui constamment, s'ils étaient constamment dans la même situation que lorsqu'ils sont avec lui, il a dit, les anges vous serraient la main dans les routes. Cependant, chaque chose en son temps. D'accord? Un temps pour chaque chose. Un temps pour le rappel fort, c'est-à-dire le ilm, et un temps pour la dunya, pour nos familles, pour nos proches. Et à ce moment-là, c'est une chose que si les mains descendent, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il la qadar. D'accord? Et cela ne nuit pas, on va dire, au serviteur. Il ne sera pas repris pour cela, yawm al-qiyama. Naam. Car nos familles, nos proches ont un droit sur nous et chacun a une part de dunya à prendre pour pouvoir vivre et autre que cela. فهذا الذي أخذنا اليوم في هذا الباب تمام فنكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين